Le Père Noël va retrouver ça. Maman, tu as perdu ta beauté comme Cunégonde. Maman, je suis sincèrement désolé de te faire honte. Maman, je m'excuse d'être venu au monde. Non, maman, nous ne sommes pas qu'une shit que j'ai fumé ce soir-là et qu'une astupée à l'héroïne. Maman, je suis venu, que sommes-nous devenus? Je ne veux pas que tu viennes me chercher lorsque je suis perdu. Maman, prendre un acide, c'est quoi? Mais c'est comme conduire une automobile en fonction de toi. T'as une chance de sur mille de finir débile. Maman, excuse-moi si je marche comme un ivrogne sur les droites tracées par les cours de mathématiques. Et je gâche ma vie avec ma pomme rouge immaculée de ma thématique. Maman, je suis désolé si c'est pour nous que tu es resté avec tes fans. Et c'est pour toi et mes refrains que mes veines n'ont toujours pas ouvert les pannes. Maman, je suis désolé si dans cette famille je me sens comme dans une salle de classe, c'est-à-dire très mal et le cœur mamie s'arrête si je lui fais des farces. Maman, je suis désolé si à cause de ton stress je fume des clopes. Si je vais à Paris pour me brouiller avec une femme avec qui je ne mettais pas de capote, comme mon père, comme on dit à la guerre, comme à la guerre. Maman, tu nous as tous transmis de l'eczéma, je suis asthmatique. Paul est autiste et ma soeur, qu'est-ce qu'elle a? Tous les jours elle pleure, elle ne sait pas que la beuh adoucit les mœurs. Je n'en peux plus, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cul. Alors je fais de la musique, enfin je crois, et tu jalouses que je sois un artiste. Je m'excuse de ne pas trouver de boulot, maman, mais tu ne voulais pas que je devienne artisan. Je suis désolé si je me suis engagé dans le jeu. Que je ne finirai jamais comme toi. Je suis fou, dépressif et névrosé. Le rap est ma psychose, le micro médecin qui se cause. Madré, je suis désolé de ne jamais avoir eu de padré. Je suis désolé si celui de ma soeur t'est violé mais frappé. Maman, pourquoi tu cries? Maman, arrête de débader, je suis sous poterie. Non, maman, je suis désolé si tout ce qui t'est arrivé est de ma faute. Et je ne suis pas aussi bon à l'école que cette gamine. Les profs ont baissé mes notes, même si dans leur bulletin aussi il y a des fautes. Et puis merde, l'éducation j'en ai pas besoin. Tout comme bien chanter avec une voix rien porter le bonnet de jasmin. Les accords juste j'en ai pas besoin. Et que j'y souhaite j'en suis loin. Comme dit Wix, je ne sais pas où je vais, ça va très bien. Peut-être que pour être calmé je dois fumer des joints. Mais j'écris trop, je fume trop, je joue soit seul ou pas trop bien. Maman, j'ai mal à ma main, on t'a traité de putain. Et moi à l'école j'étais un bâtard à la récré. Je m'amusais bien avec ma solitude. Sache que l'essai est aussi rude. Le bonheur de l'adolescence soit pour moi comme les cours, toujours en retard. Maman, arrête, c'est le réveillon. Déjà enfant, j'avais des allumes, des cauchemars, des oreillons. Les champignons aujourd'hui sont une veilleuse qui s'allume. Car regarde Papa Noël avec son sucette déguisé en bouteille de coca. Lui aussi ressemble à un chat. Yes.